Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et sans doute avez-vous en votre possession votre dose de lithium cachée peut-être dans les piles de vos appareils électroniques. Et il y a bientôt bien sûr d'autres utilisations du lithium qui nous le rendent d'ailleurs indispensable. Mais il vient d'où ce lithium? Alors on va en parler avec Jean-René Roy qui est professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie et bon retour de saison. Ben oui, puis j'aimerais aussi mentionner un événement peu ordinaire qui est arrivé dans votre vie cet été. Vous avez été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec et je crois que c'est une belle nomination quand même amplement méritée au vu de toutes vos réalisations et contributions au sein des grands télescopes à travers le monde et même aussi au sein de la National Science Foundation aux États-Unis. Alors félicitations Jean-René, je pense que ça valait le coup de le mentionner. Merci beaucoup. Je suis chevalier, mais mon cheval a deux roues. Ah oui, et il roule bien? Très bien. D'accord. Et maintenant, revenons-en au lithium. On pourrait commencer par situer cet animal dans le tableau périodique, par exemple. Oui, le lithium, en fait, c'est un des éléments, des 92 éléments naturels qui occupent le tableau périodique. Et en fait, pour vous, les plus âgés, certainement, vous avez vu apparaître cet élément dans la vie de tous les jours, peut-être les décennies récentes. Mmh. Donc, un peu mystérieux. D'ailleurs, lithium vient de lithos, qui veut dire pierre. Et c'est un élément très léger. Donc, si vous vous rappelez du tableau périodique, le premier, c'est l'hydrogène, qui est un gaz. L'hélium, le deuxième, avec deux protons, deux neutrons, qui est aussi un gaz. Mais le troisième, c'est le lithium. Ah oui. Qui a trois protons et quatre neutrons. Il y a une forme de lithium qui a trois protons, trois neutrons, qui est un isotope un peu plus rare. Et l'élément, on le connaît depuis un certain temps. Il a été découvert en 1817 par un chimiste suédois du nom de Johan August Arfvedson, donc pas très connu. Et c'est un métal. Curieusement, donc, même s'il est très léger en termes d'éléments de composition atomique et nucléaire, et c'est un métal avec certaines propriétés fort intéressantes, d'ailleurs, d'où son application dans les batteries, application auxquelles on reviendra. Mais un métal, d'abord, si vous le voyez à l'état pur, Ça ressemble à quoi? Il est plutôt gris. Il est de très faible densité. En fait, sa densité est à peu près la moitié de celle de l'eau, équivalente à peu près au bois de sapin que bien séché. Donc, c'est un métal que si vous mettez dans l'eau, il va flotter. Ben oui, c'est ça. C'est en train de me dire comme du bois, plus moins dense que l'eau. Donc exactement. Il flotte, mais c'est un métal qui a les propriétés d'être un bon conducteur d'électricité. D'ailleurs, il partage ses électrons avec une férocité extraordinaire, ce qui en fait un avantage dans les applications. D'accord. Et alors, justement, il y a des applications dans l'industrie, on l'a évoqué, on le met dans les piles, mais finalement, pourquoi ces usages? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport? Qu'est-ce qui fait que ça va être meilleur dans les piles qu'un autre métal, par exemple? En fait, c'est toujours un élément utilisé dans une pile, c'est pour produire de l'électricité. Donc, il faut être capable de déplacer des électrons dans une espèce de matrice qu'on crée, soit qu'elle soit liquide comme les bonnes vieilles piles au plomb et à l'acide, qui restent encore, pour leur efficacité et leur coût, une bonne façon de produire de l'électricité. Et il y a d'autres piles, et souvent on utilise, vous savez, si vous regardez une pile, vous achetez alcaline. Et c'est souvent des éléments qui sont dans cette première colonne du tableau périodique, des éléments qui aiment beaucoup donner leurs électrons, comme l'hydrogène, il aime beaucoup donner ses électrons. D'ailleurs, l'hydrogène rentre dans la composition de certains processus de production électrique. Donc, un des avantages tout de même qu'on apprécie beaucoup du lithium, et d'où son utilité maintenant croissante dans les piles, c'est qu'on peut créer des piles qui contiennent pour un poids donné en grammes ou en kilos une charge électrique énorme. Donc, c'est son grand avantage. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. On entend parler des problèmes de surchauffe de piles, comme dans les fameux téléphones Samsung J5, dans les piles de lithium qui ont été à bord des avions 787 de la compagnie Boeing, qui ont été source d'incendies, etc. Mais ce sont des inconvénients, mais qui cachent son avantage extraordinaire d'être capable d'accumuler dans un volume de matière assez restreint une quantité possible de charge électrique qui permet, par exemple, de l'utiliser sous de toutes petites piles dans votre téléphone cellulaire, des piles un peu plus grosses dans les ordinateurs portables et des piles de quelques centaines de kilogrammes qu'on met maintenant à bord des autos. Oui. qui doivent être quand même, malgré la capacité et la puissance potentielle électrique du lithium, des piles qui doivent être assez costaudes et qui constituent un élément important de la voiture électrique. Et avec ça, associer une certaine complexité dans la fabrication, d'où le coût plus élevé des voitures électriques à l'heure actuelle. Et sinon, à part donc ces usages pour des piles, est-ce qu'il y a d'autres utilisations du lithium? Oui, en fait, une des plus vieilles utilisations et je connais pas l'origine de la découverte qui a amené à son usage, c'est dans les médicaments, en particulier pour traiter certains problèmes mentaux, entre autres le trouble bipolaire. Mm-hmm. Donc, sous forme de sel, il est introduit dans les médicaments. Il est utilisé depuis un certain temps et je crois que son usage est encore d'aujourd'hui. L'autre, traditionnellement, il est utilisé dans certains verres et dans certaines céramiques particulières. Je connais pas trop ces métaux et ces façons d'utiliser le lithium comme tel, mais ce sont des applications. Et à l'heure actuelle, évidemment, le lithium entre de plus en plus comme composant critique de piles électriques de grande densité de charge. Donc, on en a vraiment besoin, puis on va probablement en avoir de plus en plus besoin si on développe des véhicules électriques. Donc, on le trouve où sur Terre? Où est-ce qu'on s'approvisionne? Donc, c'est intéressant où on le trouve. En fait, il y a deux sources principales pour le trouver. On peut le trouver sous forme d'un minéral, de quelques minéraux, dont un que je connais bien, qui est le spodumène. Donc, le spodumène apparaît sous la forme de très grands cristaux, un peu comme si vous connaissez le quartz ou la calcite, un grand cristal blanc, et le cristal peut faire des mètres de long, en fait. Et il y a quelques gisements au Québec qui ont du spodumène. J'ai chez moi, d'ailleurs, un bloc de spodumène de quelques kilos qui provient d'un endroit au Témiscamingue, qui est possiblement exploité à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement. Donc, c'est une des possibilités. Et le Canada est reconnu comme étant un endroit ayant des réserves raisonnables de lithium. Mais les plus grandes sources de lithium exploitées proviennent plutôt de vestiges de grands marais salants qu'on retrouve en particulier dans les Andes et dans certaines régions de Chine ou d'Afghanistan. Donc, au Chili, entre autres, dans les grands salars qu'on retrouve coincés entre les deux chaînes de cordillères des Andes, la cordillère centrale qui est très haute et la cordillère océanique qui est un peu plus basse, les eaux restent prisonnières dans de grandes vallées qu'on appelle des salars. Et au fil des millénaires, il y a eu des dépôts des montagnes et les différents sels, les différents minéraux se sont concentrés. Et en particulier, le lithium y est très abondant. Donc, ce sont eux les principaux producteurs de lithium? Oui, fait, si vous allez sur le web, vous allez voir quels sont les différents pays qui sont qui tiennent les réserves. Et évidemment, on va en trouver un peu plus dans le monde. Mais il n'y a pas tant de lithium que ça dans la nature. Mais le lithium, comme les autres éléments du tableau périodique, n'a pas été formé sur Terre. Non, aucun élément du tableau périodique n'a été formé sur Terre. On retrouve des gisements, mais tous les éléments ont été formés quelque part dans l'univers. Donc, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur cette synthèse des éléments chimiques dans l'univers. Oui. C'est ça. Donc, si vous regardez le tableau périodique des 92 éléments naturels, je dis naturels parce qu'il y a des éléments artificiels fabriqués par les humains dans les réacteurs nucléaires, des accélérateurs de particules. le plutonium, dont vous entendez parler parfois comme composant de certains types de réacteurs et d'armes atomiques, est un élément fabriqué par l'humain, n'est pas fabriqué dans les étoiles. Tous les éléments du tableau périodique ont été faits soit dans le Big Bang, donc dans les premières étapes de la formation de l'univers, ou plus tard dans les étoiles. Dans le centre des étoiles, où les températures sont très élevées et qui permet de faire entrer en collision des protons, des neutrons ou des noyaux d'hélium avec d'autres noyaux d'hélium ou des noyaux d'hélium avec des noyaux d'oxygène et comme ça de construire à peu près tous les éléments qu'on connaît jusqu'au fer, qui est le numéro 26. Donc au cœur des étoiles. Tout au cœur des étoiles. Ouais. À l'exception de réactions qui ont lieu dans l'enveloppe d'étoiles qui explosent, comme les étoiles très massives qui explosent en supernovae. Et au moment d'exploser, leur cœur, en quelque sorte, se désintègre. Les éléments qui étaient là se désintègrent, produisent énormément de neutrons. Et ces neutrons vont bombarder des éléments comme le fer, etc., et les convertir en éléments encore plus lourds. D'accord. Donc, tous les éléments plus lourds que le fer, jusqu'à l'uranium, ils sont très rares parce qu'ils se produisent dans des événements très rares, des étoiles très massives qui sont moins nombreuses que les étoiles moins massives, dans des événements cataclysmiques comme les supernovas où les couches extérieures sont en quelque sorte comme bombardées par un flux de neutrons colossal qui leur permettent en fait des transmutations naturelles, entre guillemets, générées par ce flux de neutrons très intense. Mais une autre source importante d'éléments, c'est ces premiers instants de l'univers où l'univers était très chaud et relativement dense et il y avait moyen de faire entrer en collision protons et neutrons. Donc, l'hydrogène apparaît. Donc, il y a à peu près, il y a un temps magique qui est à peu près 10 secondes après l'instant 10-0 du Big Bang et à peu près 20 minutes plus tard où la température a chuté à quelques millions de degrés. Et pendant ce temps-là, c'est l'époque qu'on appelle de nucléosynthèse primordiale du Big Bang. On va fabriquer l'hydrogène. Tout l'hydrogène qu'on a dans l'univers vient de ce moment-là. On a réussi à rassembler les quarks qui forment le proton et former l'hydrogène. Et on a finalement aussi produit l'électron. Il y a tout un temps très court, mais il se produit beaucoup de choses. Et ensuite, en fait, la température diminue et d'autres réactions sont permises dans le sens que des noyaux vont être mis ensemble, deux protons, deux neutrons, et la température va rester suffisamment froide. La température avec l'expansion de l'univers initiale diminue rapidement de trillions de degrés à des milliards de degrés. Et quand on atteint quelque chose comme quelques centaines de millions de degrés, à peu près 10 minutes après le début de l'univers, on produit de l'hélium. Et quelques instants après, la température chute encore. On va produire deux héliums, interagir et par un mécanisme, va produire le lithium. Bon. Et ensuite, un autre élément, le beryllium et le bore peut-être. Mais ensuite, il n'y a plus rien qui se passe parce que la température est trop froide. On ne peut plus faire des collisions pour construire d'autres éléments. Donc, il faudra attendre quelques centaines de millions d'années pour arriver à l'enchaînement que je vous ai décrit plus tôt pour produire les éléments au centre de l'étoile. Donc, une bonne partie du lithium dans l'univers, le lithium 7, est produit, vient du Big Bang. Ouais. Donc, dans votre téléphone, vous avez un morceau de Big Bang. C'est fou, ça, quand même. Ouais. Ouais, c'est assez extraordinaire quand on y pense. Ouais. Mais quand même, parce que tout ça, Jean-René, vous dites, bon, ça s'est expliqué au début du Big Bang ou au cœur des étoiles, mais comment c'est arrivé sur Terre? Donc, en fait, les éléments chimiques sont, dans le cas du Big Bang, tous les éléments comme l'hydrogène, l'hélium, le lithium et le beryllium. Et un autre que j'ai oublié de mentionner, c'est le deutérium, qui fait l'eau lourde, donc qui est l'hydrogène lourd, qui est un proton et un neutron. Tous ces éléments se sont dispersés dans l'univers de façon relativement uniforme. Donc, sont entrés dans la composition des nuages de gaz qui, avec le temps, se sont condensés, entre guillemets, et se sont effondrés sous l'action de la force de gravitation dans certains noyaux pour produire possiblement une première génération d'étoiles. Et un peu plus tard, peut-être 200 millions d'années après le Big Bang, former probablement les premières galaxies. Mais c'est intéressant, votre question, comment tout ça arrive. Ce qui va se produire d'abord, c'est que le lithium va être partie des nuages primordiaux qui vont former les étoiles. Certaines de ces étoiles vont probablement former des planètes autour d'elles. Donc, ce qui arrive, c'est que dans les étoiles, le lithium va être détruit. Ce qui fait que le lithium, à l'heure actuelle, a une abondance beaucoup plus faible qu'il avait au début. Donc, et le lithium est bizarre parce que dès que la température atteint 2,7 millions de degrés, le lithium est détruit. Il se convertit en autre chose. Et, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, dans le cœur des étoiles. Il est non, rapidement, il n'y en a pas beaucoup. Toutes les étoiles, comme le Soleil et tout, il n'y a pas beaucoup de lithium, surtout qu'il y a un brassage des couches extérieures qui amène ça vers l'intérieur et tout ça. En fait, le lithium a tendance à disparaître. Donc, pour établir l'abondance réelle du lithium dans l'univers, il faut regarder des régions comme les régions externes du système solaire, comme les planètes géantes, qu'on est sûr qu'ils ont probablement pas eu de matériel qui a été processé à l'intérieur d'étoiles, sauf d'anciennes étoiles, par exemple, qui compliquent la situation. Donc, le lithium, en fait, est curieux, comme les autres éléments, deutérium et beryllium, est curieux quand on regarde la distribution de l'abondance des éléments. On a l'hydrogène et l'hélium extrêmement abondants. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on a un autre pic d'abondance relativement élevé, le carbone, l'azote et l'oxygène. Donc, qui, eux, sont à peu près 1000 fois moins abondants que l'hydrogène. Mais le lithium lui-même, si l'oxygène est 1000 fois moins abondant que l'hydrogène, le lithium est 100 000 fois moins abondant que l'oxygène. Dû à ce que j'ai décrit tantôt, il est détruit. Il est détruit quand il va dans les étoiles. Donc, le lithium est un élément qui nous paraît abondant, mais est relativement rare dans l'univers. Donc, il faut en prendre soin. Et même si à l'heure actuelle, on est un peu paresseux vis-à-vis le recyclage du lithium qu'on a dans nos piles, moi, je m'attends à ce que, d'ici peu, on soit plus minutieux et qu'on prenne mieux soin de recycler le lithium. On cherche plutôt à recycler autre chose dans les piles au lithium, le cobalt, entre autres, qui est introduit pour favoriser la densité de charge électrique dont on a parlé au début. Mais donc, le lithium qu'on trouve sur Terre, il ne vient pas de ce qui se passe dans notre étoile, dans le Soleil, parce que finalement, il est détruit à cause de la chaleur et tout ce qui se passe. Donc, il vient vraiment de la quantité de lithium qui a été formée au tout départ et qui s'est retrouvé dans une sorte de nuage. Oui, et en fait, probablement, on est, nous, l'abondance de nos éléments sur Terre et qui vient des éléments qui ont formé le nuage protosolaire et protoplanétaire, notre système solaire, ces éléments-là avaient passé dans la fournaise de d'autres étoiles. Parce que si on avait une composition primordiale, d'abord, on n'aurait pas des éléments comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Et on aurait beaucoup plus de lithium. Donc, on a une déficience de lithium et on a beaucoup de carbone, d'azote et d'oxygène parce que les matériaux qui ont amené la formation, qui ont contribué à la formation du Soleil, ont été en quelque sorte processés dans quelques générations d'étoiles précédentes, dans les premiers milliards d'années de l'âge de l'univers. Donc, on n'est pas la première cuvée. C'est ça. Donc maintenant, on a du lithium sur Terre. Il est peut-être assez difficile des fois d'aller le chercher, je ne sais pas. Puis on en a quand même une certaine quantité dans tous nos déchets électroniques. Donc on va être capable de s'en servir comme nouvelle source de mine, comme nouvelle mine, c'est ça? Donc c'est une question intéressante. D'ailleurs, c'est une question qui ne s'applique pas uniquement au lithium, mais qui s'applique à beaucoup des métaux parce que, comme vous l'avez souligné au début, les métaux, ils ne sont pas produits dans la Terre. Ce n'est pas comme les arbres qui poussent. Ce n'est pas comme le pétrole, les carburants fossiles, qui, en quelque sorte, sont des produits que, si on attend encore, on pourrait régénérer. Sur un très long terme, c'est renouvelable. C'est renouvelable sur un très, très, très long terme. Les métaux ne sont pas renouvelables sur le très long terme. Il faut attendre le prochain Big Bang. Il faut attendre ou, en fait, faudrait trouver des machines thermonucléaires qui, à l'heure actuelle, on est incapable de concevoir, qui pourraient produire des éléments dans des réactions chimiques semblables à celles qui se passent au centre des étoiles et aussi dans celles qui se passent dans les enveloppes de supernovae. Donc, la question de recyclage des métaux en général, quels qu'ils soient, va se poser de façon aiguë pour les générations qui viennent, dans un contexte où on veut sinon maintenir une croissance très modérée, mais juste pour maintenir le statu quo, donc croissance zéro. Il va falloir toujours réutiliser certains métaux. L'autre source tout de même que je voudrais mentionner, dans un contexte de considération de sustainability, qu'on dit en anglais, j'ai oublié le mot français. Donc, c'est la mer, l'eau de mer. Ah oui. Mais tous les éléments chimiques y existent, les métaux y existent, parfois sur certaines formes, certains sels et tout, mais tout est très dissous dans la mer. Donc, le processus d'extraction, il est possible, mais il reste quelque chose qui serait une solution de dernier recours. Il faudrait être à court de... C'est parce qu'il faudrait faire bouillir et puis récupérer... En effet, c'est des quantités phénoménales d'eau qu'il faudrait traiter pour arriver... à extraire tout le lithium. Donc, mais le lithium, retenez-le, quand vous allez maintenant utiliser votre ordinateur ou utiliser tout ce qui est basé sur une pile au lithium, c'est un élément particulier, précieux, entre guillemets, et assez rare et dont l'origine est assez unique comme telle, parce que l'hydrogène, bon... il est dans l'eau, donc on boit des substances de Big Bang tous les jours en prenant notre verre d'eau. L'hélium, lui, il est utilisé... Mais on ne dit pas qu'on est un peu en pénurie d'hélium aussi? L'hélium est un cas particulier. L'hélium est un gaz. D'ailleurs, il est la substance, par nombre d'atomes, la deuxième la plus abondante dans l'univers. L'hélium est à peu près un septième en nombre d'atomes, un septième de fois le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, il est extrêmement abondant. Il constitue, en fait, à peu près le quart de la masse de la matière dans l'univers. Mais c'est un gaz qui s'échappe. L'hélium, les étoiles en contiennent beaucoup, mais sur Terre et sur les planètes terrestres, parce que la température est élevée, l'hélium s'échappe. On retrouve de l'hélium en grande quantité dans l'atmosphère de Jupiter, de Saturne et des autres planètes géantes, parce qu'elles sont massives et elles sont froides. Sont capables de le garder. Sur Terre, la source principale d'hélium est la désintégration radioactive des éléments radioactifs qui sont au centre de la Terre, qui, par désintégration radioactive, émettent certains éléments, et entre autres, souvent, leur façon de se défaire, c'est en éjectant un morceau de leur noyau qui correspond à deux protons, deux neutrons, c'est de l'hélium. Donc, l'hélium, on le retrouve souvent dans des poches reliées au pétrole, parce qu'on peut le garder emprisonné à ce moment-là. Mais généralement, par les fissures, il s'échappe. Un peu comme le gaz naturel, en fait, qui s'échappe et qu'on fait brûler tout simplement dans l'atmosphère. Bon, on a dévié un petit peu vers l'hélium. Mais c'est tout le contexte d'où viennent les choses. La majeure partie de l'hélium, même si les étoiles font beaucoup d'hélium, à l'heure actuelle, la majeure partie de l'hélium qu'on retrouve dans l'univers, dans les étoiles, dans le Soleil, dans les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et les autres en dehors, cet hélium-là vient aussi du premier 10 minutes, la fin du premier 10 minutes après le Big Bang. Oui, j'aime bien cette image, je vais retenir ça. Donc, le lithium qu'on utilise, qu'on a dans nos piles, bien, il vient de ces 10 premières minutes, il y a très longtemps, lors de la formation de l'univers. Et en fait, il était probablement le lithium, s'il fallait que l'univers soit encore un peu plus froid que lors du moment où il produisait l'hélium. Donc, le lithium vient du moment où l'univers avait à peu près 20 minutes d'âge. Et un peu de lithium qui provient de certaines étoiles qui ont des processus nucléaires un peu particuliers à la fin de leur vie. Mais l'essentiel du lithium que vous avez autour de vous, c'est le lithium 7 et il vient du Big Bang. Ouais, voilà. Donc voilà d'où nous vient ce lithium. Donc merci beaucoup Jean-René. Donc je rappelle que nous étions en compagnie de Jean-René, astrophysicien et professeur au département de physique de l'Université Laval.